الله الرحمن الرحيم. ما حال حديث ما عبد الله بشيء أفضل من فقه في دين الله. Quel est le jugement du hadith qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Allah n'a pas été adoré par une chose meilleure que la science dans la religion ou dans sa religion. هل هذا حديث حسن أو صحيح أو ضعيف ما تذكرون إسماعيل حسن ولا ضعيف ولا حديث موضوع طيب ما حال حديث ولا فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. Quel est le jugement du hadith où le prophète sallam dit et certes un savant est plus dur et plus pénible à Shaitan que mille adorateurs. Ma hal al hadith ya Abd al Malik, hadha al hadith. Naam, mawdu' kadhalik, aw da'if. Da'if, da'if. الأول موضوع وضعيف وهذا ضعيف كذلك وكلاهما يعني معناهما صحيحة يعني le sens de ces deux de ces deux hadiths même si ils sont pas confirmés venant du prophète عليه الصلاة والسلام ce sont quand même des hadiths authentiques c'est-à-dire ce sont quand même des hadiths dont le sens est juste. نعم. قال الإمام ابن جماعة وعنه يعني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنه صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. نعم. Et donc là il rapporte un autre hadith venant du prophète صلى الله عليه وسلم lorsque le prophète صلى الله عليه وسلم dit certes cette science sera portée par yani yahmilu hadha al-ilm min kulli khalaf udul par le khalaf c'est ceux qui ouais par tout successeur au udul yani comment dire comment traduire ça yani cette science sera portée par les plus justes parmi ceux qui vont succéder. مفهوم؟ نعم. ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. Et ils vont réfuter, c'est-à-dire ces gens-là, ils vont réfuter تحريف الغالين. Cheikh Abu Amr dit, il s'agit des mubtadi'a. Ils vont réfuter les modifications que vont apporter dans la religion les innovateurs. Wa intihal al mubtilin ma'na le fait intihal c'est-à-dire c'est celui par exemple qui prétend une chose alors qu'il ne l'a pas fait. Par exemple Fulan il va venir il va prendre des vers de poésie mashhoura 'ind al arab ou غير مشهورة. Et il va dire que c'est vers à lui. C'est sa poésie à lui. هذا كذلك مما قيل في معنى انتحال المبطلين. يعني ça a été dit dans le sens au sujet de cette kalima انتحال المبطلين, c'est-à-dire celui qui s'attribue ce qu'il n'est pas. Tu vois? Ça veut dire que ces gens-là qui vont porter la science, ils vont réfuter même ces personnes-là. نعم. مفهوم؟ طيب وتأويل الجاهلين نعم تأويل الجاهلين نعم يعني في القرآن c'est-à-dire les fausses interprétations du Coran qui peuvent être faites par des ignorants. Tout ça, c'est les gens de science qui ont succédé à l'époque des compagnons, qui vont réfuter tout cela. Naam. Wa ila huna. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك هذا الحديث